les noms de Jésus. Les noms de Jésus. Les noms de Jésus, les noms de victoire. Les noms qui libèrent. Les noms qui libèrent. Qui libèrent. Les noms qui libèrent, les noms de Jésus. Les noms qui consolent. Les noms qui consolent. Solution, solution, solution, solution à tous nos problèmes. Aïe aïe aïe, élevons le nom. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, élevons le nom de Jésus le roi. Aïe aïe aïe, glorifions le nom. Aïe aïe aïe, aïe aïe, glorifions le nom de Jésus le roi. Aïe aïe aïe, acclamons le nom. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, acclamons le nom de Jésus le roi. Nakombona Yesu. Ah, c'est Jésus, mon Jésus, il est merveilleux.